L'envol de la 4L. Lundi matin, à l'atelier, Faustine raconte son week-end passionnant. Maman écoute avec un intérêt mitigé les opinions de sa fille sur le fossé des générations. Elle sait bien, elle, que dans la tête des hommes, ce fossé, lorsqu'il n'est pas carrément franchi avec allégresse, n'existe tout simplement pas. Après tout, son propre mari a 13 ans de plus qu'elle, et tout le monde trouve ça normal. Dans l'autre sens, c'est moins évident. Faustine n'a pas oublié le film de Fassbinder présenté 2 ans plus tôt au Festival de Cannes. Tous les autres s'appellent Ali. On y parlait d'une veuve de 60 ans qui épouse un immigré marocain de 20 ans son cadet, avec tout ce que cela implique de mise à l'écart de la société. Faustine s'insurge au nom de l'éternelle différence de statut homme-femme. Elle se promet de toujours garder sa liberté de pensée et d'action, quoi qu'elle devienne. Le soir même, devant la désormais hebdomadaire omelette aux patates et aux oignons, Faustine défend son point de vue chez ses amis Jeanne et Lucas, le photographe. Elle est venue récupérer les tirages des portraits commandés la semaine dernière et on lui a proposé de rester dîner. Or, sur le sujet féministe, la conversation stagne. Faustine n'ayant pas suffisamment d'expérience, elle ne peut soutenir une argumentation approfondie. Lucas et Jeanne sont bien trop amoureux pour penser à ça. Tout le monde trinque. La bouteille est vite séchée. On en vient à parler d'alcool. Jeanne confie son passé chargé. Elle a eu, il n'y a pas si longtemps, de gros soucis à ce sujet. Et c'est grâce à l'amour de son mari qu'elle s'en est sortie. Faustine prend conscience qu'elle aime bien boire un verre de temps en temps, mais elle ne pense pas en avoir vraiment besoin. Alors, puisqu'elles sont d'accord, Jeanne lui demande de ne plus apporter de vin dorénavant. Ce n'est pas indispensable au bébé. Jeudi 4 novembre. Enfin ! Ce matin, Faustine a rendez-vous avec l'inspecteur pour l'examen de conduite. Ayant particulièrement soigné sa toilette, on ne sait jamais, elle retrouve son juge à l'heure dite à l'endroit convenu. Cette fois, elle se sent nettement plus à l'aise. Elle a eu le temps ces 3 derniers mois de parcourir le circuit d'examen dans tous les sens avec France. Elle connaît les ruelles de Grasse par cœur ainsi que le véhicule. Elle a mis en pratique la fameuse recette de sa mère « Mets-toi en condition psychologique, agis comme si tu avais 20 ans de conduite derrière toi. » Et ça fonctionne! Faustine donne l'impression d'une assurance responsable. Elle exécute les manœuvres requises comme si elle avait fait ça toute sa vie et s'offre même le coup de génie qui va faire pencher la balance de son côté. Attendant que le feu passe au vert sur une côte très raide, elle desserre le frein à main, fait reculer l'auto de quelques mètres, après avoir vérifié évidemment que personne n'était derrière, afin d'ouvrir le passage à un véhicule débouchant sur sa droite. Elle sait que l'autre, sortant d'une ruelle, n'a pas la priorité. Son acte se veut gratuit et civil. Manifestement, l'examinateur approuve. Il ne le dira pas, mais c'est écrit dans son sourire lorsqu'il délivre le sésame tant attendu. Faustine explose de joie. De la première cabine téléphonique venue, elle appelle ses parents. « Je l'ai !» C'est la fête. Maman lui a donné congé le reste de la journée. Faustine sort sa clé, s'installe dans sa 4L. Enfin ! Elle caresse son volant en propriétaire, ajuste le rétroviseur, dépoussière le tableau de bord, avance puis recule son siège, enclenche les essuie-glaces, tout baigne dans l'huile. Faute d'option autoradio, elle échappe à l'incontournable Dolanès Melody, le tube du moment, ainsi qu'aux considérations politiques sur l'élection de Jimmy Carter, le nouveau marchand de peanuts, états-unien. Faustine met le contact. La voiture tousse un peu, mais démarre, sans l'astreinte de la manivelle. Elle sort du parking, fait quelques tours de roue et s'arrête. La voilà bloquée tout en haut de l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Déjà, des véhicules la klaxonnent avant de la dépasser rageusement. Heureusement, l'avenue est en pente. La jeune femme se dit qu'il s'agit sans doute d'un problème de batterie. Papa l'avait prévenu. Il suffit de profiter de la côte. La voiture va démarrer et la dite batterie se recharger toute seule. Aussitôt dit, aussitôt fait, elle desserre le frein à main. Hélas, si la pauvre Titine a bien voulu descendre en roue libre, son moteur ne pétarade pas plus en bas qu'en haut. Au miracle, elle a le bon goût de s'immobiliser devant un garage. Une heure plus tard, tête de Delco et bougie changée, porte-monnaie soulagée d'une grosse centaine de francs, Faustine reprend la route en toute sérénité. Elle frétille. Où et chez qui pourrait-elle bien aller? Elle hésite à aller au cinéma. L'aile ou la cuisse, le nouveau film de Claude Zidi, vient de sortir. Mais non, la conduite en ville, tout de suite, elle ne le sent pas vraiment. Elle préfère faire ses gammes, tranquille, hors cantonales encombrées. Tiens, si j'allais chez Nicole. Nicole, sa meilleure amie du lycée de Cannes-sur-Mer, son alter ego, sa confidente, son alliée, sa sœur de sang, celle à qui Faustine est redevable de sa réussite en anglais au BEPC. Certificat de fin d'études obligatoire. Elles se sont perdues de vue d'une manière tellement stupide. Faustine aimerait bien reprendre contact, réparer les pots cassés si c'est encore possible. Honteuse, elle se souvient de leur dernière conversation téléphonique sordide. Elle revoit son âme damnée de mère, penchée sur son épaule, lui dictant des paroles venimeuses qu'elle-même répétait naïvement, sans réfléchir. Sous emprise totale, comme elle s'en était voulu ensuite de sa bêtise, de son aveuglement. Mais qu'est-ce qui lui avait pris? On dira à la décharge de Faustine que tout ceci se passait juste après l'obtention de son BEPC. Quand elle avait prévenu ses professeurs qu'elle ne continuerait pas ses études, quel tollé! Il est criminel d'imposer un apprentissage à une élève travailleuse et douée. Que maman prenne sa main-d'œuvre indispensable là où elle est ne se justifie absolument pas aux yeux des apôtres de l'instruction libre. Afin de sauver Faustine de l'inculture à laquelle elle semblait condamnée, ils sont montés au créneau. Maman les a découragés les uns après les autres, alors qu'ils essayaient de la raisonner au téléphone. Ensuite de quoi, désireuse de conserver le contrôle, elle s'est appliquée à faire le vide autour de sa fille. Nicole et les rares amis ou correspondants de Faustine, tous ceux qui auraient pu avoir une influence sur elle, en avaient fait les frais. Ils n'avaient plus jamais rappelé. De grâce à la colle sur loup, il n'y a qu'une vingtaine de kilomètres que Faustine franchit allègrement, naviguant à vue. Bien qu'elle n'ait jamais repris contact en 4 ans, Faustine trouve parfaitement son chemin. Elle se parque à côté des autres voitures sous le couvert. Elle n'a pas prévenu de sa visite, mais par chance, Nicole est là, qui l'accueille dans l'immense cuisine qui donne de plein pied sur une pelouse entretenue à l'anglaise. Faustine, toute fière, raconte qu'elle vient d'obtenir son permis. Nicole conduit sa R5 depuis 2 ans déjà. Puis, elle tente un rappel du passé. Elle voudrait revenir sur leur dernier entretien, expliquer qu'elle a été manipulée, faire comprendre à son amie qu'elle n'était pas entièrement responsable. Mais comment avouer une telle maladresse, une telle lâcheté? Elle s'embrouille, ne trouve pas les mots, et pour finir, reste sur des lieux communs superficiels. Son amie la regarde sans comprendre. Elles ne sont plus sur la même planète. Les 4 années les ont plus éloignées que cette maudite conversation téléphonique. Désormais, elles n'ont plus rien à se dire. Elles se quittent dans une indifférence polie sans reprendre rendez-vous. En sortant du parking, la conductrice du jour, encore émue, heurte un pilier en béton et abîme son phare. Voilà qui tombe bien, ça doit bien faire 6 longues heures qu'elle n'a pas revu son garagiste. 18 mars 2018. Faustine, qui aime vérifier ses dires, ouvre Google Maps. Tape, itinéraire, grâce, la colle sur loup. Elle se demande si la famille de Nicole vit toujours dans les parages. Elle se doute bien que si Nicole s'est mariée, elle aura changé de nom et ne s'attend pas à avoir plus d'infos. Elle tape le seul nom qu'elle connaît dans la case « Destination ». À sa surprise, elle voit apparaître le prénom de Nicole suivi de 2 noms de famille, l'ancien et le nouveau. Sur la carte, le pointeur désigne un tout petit village de l'arrière-pays niçois. Apparemment, son ami n'a jamais quitté la région. Faustine s'enhardit. Elle tape nom et prénom sur un célèbre réseau social et bingo! Toute une série de photos s'offre à elle, ainsi que la possibilité d'envoyer un message privé. Faustine retrouve dans ses vieilles photos un tirage d'elle-même en compagnie de son amie. Elle le scanne, publie en légende « Vous reconnaissez-vous sur cette photo ?» et envoie. 2 heures plus tard, la réponse fuse. « Ma Faustine, quel plaisir de te retrouver !»« Je m'envole pour Londres demain, mais je t'appelle jeudi. Promis. » Signé Nicole.